Junior Okito. Jules Lamassoir. Dodo Lolendo. Jipeka. Kitemke. Et Bubu Yondela. Egeta Yeye. Silko Shabani. Il faut y bake. Namokilioyo. Motonyo sazala kamo konti na kwena ye. Pena tango na ye. Na kotuna, Arishmane Asi na kotuna. Na kotuna, ponini mokile bongwani ye. Boto site o, paboti na bana. Boto site o, bakulutu na baleki. Boyo nyoso, bakuluka kowela kiyake. Badive, bekange fula mpungu. Piano. Deuxième fois pour le son. nouvelle écriture quoi. Pepe Akoutier, Lossi Assassa, Bibi Chamoudingaï.